banni, même interdit carrément, tous les dispositifs d'aide à la conduite en F1, c'est-à-dire la suspension active et l'antipatinage. Williams-Renault est la première écurie concernée. Le Tour de France, nouvelle victoire d'étape pour le Suisse Tony Rominger. Au classement général, l'Espagnol Miguel Indurain est plus que jamais maillot jaune. Enfin, une petite histoire qui se passe aux États-Unis. Un jeune homme qui n'aimait pas le hamburger sans ketchup a frappé une serveuse dans un McDo. Résultat, elle a eu la mâchoire cassée et lui, eh bien, il a obtenu 10 ans de prison. Voilà, tout va bien pour vous, Gilles Marino ? Enfin, c'est quand même un scandale, un hamburger sans ketchup. Il avait qu'à être végétarien. Oui, de diet burger. Comme vous, Thierry Legrand, ça se voit d'ailleurs. Hein. Absolument. Et j'enlève même le pain. On ne parlera pas de votre bedaine, Thierry Legrand. Bonne soirée. Oh, vous le retrouvez sur AFM tout de suite, les Blues Brothers. Je ne relèverai pas. FM avec les Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, une chanson dans le film, ils se sont fait attendre justement avant de la chanter, tandis que là on a appuyé sur le bouton et ils sont arrivés juste quand il fallait. C'est quoi, attention, on est comme ça, nous on les sert là, Dieu. Vous écoutez FM, c'est Thierry Legrand jusqu'à minuit et on continue avec les Spin Doctors qui seront à la fin du mois à Saint-Louis dans le Missouri en concert. C'est Two Princes et ça cartonne. Now, got some mixy love on his jacket. Ain't it his head now? Remember- Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you wonder about me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now, and if you want to call me, baby, just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you like to buy me flowers, just go ahead now, and if you talk for hours, just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. And if you'd like to tell that baby, just go ahead now. If you want to buy that fly, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, baby, just go ahead now. Oh, just go ahead. Same. je suis qu'un lapin cool. T'es pas venu dans ce les fast food. T'as pas le cheeseburger. Tu m'azoutes. Non, pas de voir. Rendez-vous, mes yeux vous êtes cernés. C'est pourtant pas l'heure pour capituler. Ouh, va falloir que l'ombre programme. Non, ni l'image. Oh, j'ai dû voir par nécessité. RFM, tous les prétextes sont bons pour en jeter un derrière la cravate. Eddie Mitchell, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Cet extrait de son dernier album, Brian Grande, avec la participation exceptionnelle sur ce morceau de Paul Persson. Et dès que cet album est sorti, il y a à peu près un mois de ça, eh bien, il nous avait annoncé ses dates de concert. Il sera entre le 14 et le 18 décembre au Casino de Paris, entre le 4 et le 9 janvier 1994 à l'Olympia, entre le 6 et le 12 février au Zénith de Paris. Tout ça, ça se passe à la capitale. Et le 23 mars, il ne fera qu'une seule date, mais attention, c'est à Bercy. Donc, il a la forme, il y croit. Et pourquoi pas? He came from somewhere back in how long ago. The sound of every fool don't see, trying hard to recreate what had yet to be created. Once in her life, she musters a smile for his nostalgic tale. Here for tonight. Eat the rich. There's only one. Yeah.